La Feuille d'Antoine Vincent Arnaud. Enregistré pour LibriVox.org. La Feuille. De la tige détachée, pauvre feuille desséchée, où vas-tu? Je n'en sais rien. L'orage a brisé le chêne qui seul était mon soutien. De son inconstante haleine, le zéphyr ou l'aquilon, depuis ce jour me promène, de la forêt à la plaine, de la montagne au vallon. Je vais où le vent me mène, sans me plaindre ou m'effrayer. Je vais où va toute chose, où va la feuille de rose et la feuille de laurier. Fin du poème, enregistré par Sonia. Cet enregistrement fait partie du domaine public.